إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، nous sommes toujours, Inch'Allah, dans notre série de hadiths, de 21 hadiths, dans la croyance le suivi, expliqué par notre noble et éminent Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidhahullah ta'ala. Nous sommes donc arrivés au 11e hadith. On a donc vu les 10 premiers. On a vu, Inch'Allah, on les a mémorisés également. On les a vus. On a vu le vocabulaire du hadith. On a vu ce qu'on appelle le takhrij le hadith, c'est-à-dire les sources dans où on peut trouver ce hadith dans lequel ils ont été rapportés. On a vu ensuite, pour chaque hadith, une biographie succincte du rapporteur du hadith. Et ensuite, donc selon toujours la même méthodologie, on a vu le sens général du hadith et ensuite les bienfaits tirés du hadith en guise de synthèse de l'explication générale. Donc on rentre aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, après avoir terminé la leçon passée, un hadith très important, qui est le hadith Al-Irbad ibn Sariyah, qui est sur la division de la communauté, hein, et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré le mot qui allait arriver à sa communauté, et en même temps il nous a donné le remède, d'accord. Inch'Allah, donc on va peut-être commencer directement le 11e hadith, plutôt que de commencer avec des questions-réponses comme on fait d'habitude. On va commencer directement le 11e hadith, qui a pour titre التمسك بالكتاب والسنة رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث. Donc le 11e hadith c'est رضا الله في ثلاث وسخطه في ثلاث. Si on traduit ce titre là, et on avait dit que le fiqh, hein, du hadith est dans le titre, Cheikh nous donne directement, hein, une indication dans le titre. Que veut dire ce titre là l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala est dans trois choses, et son mécontentement est dans trois choses. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Je vous demander de passer avec moi. J'ai l'air un petit peu stressé parce que je viens d'avoir un accident de voiture, donc c'est un petit peu. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الحديث رواه مسلم ومالك وأحمد. Donc d'après une narration de Abu Huraira رضي الله عنه قال l'agré que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit: Allah certes agré pour vous trois choses et est mécontent pour vous de trois choses. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et ne lui associez rien, et que vous vous cramponniez au câble d'Allah et ne vous divisiez pas, et que vous fassiez le conseil à celui à qui Allah a donné le pouvoir d'entre vous. Et il déteste pour vous trois choses: le fait de débattre dans le faux, et on va voir pourquoi, en fait c'est une traduction ici du sens, et je vais donner la traduction littéralement. Si on veut la traduire, on va dire il a été dit, mais on va expliquer. Cheikh Rabi va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et il explique en disant le fait de débattre dans le faux et dans ce qui n'est pas important, et de poser trop de questions, et de gaspiller l'argent. Donc rapporte ce hadith est rapporté par Muslim. Donc on a dit quand un hadith est rapporté par Muslim, ça veut dire dans son sahih, d'accord. Quand on dit rapporté par Malik, qu'on se tait, eh bien évidemment c'est dans son Muwatta, et Ahmed dans son Musnad. Alors qui est le rapporteur de ce hadith? C'est Abu Huraira radiallahu anhu ardah. Qui est Abu Huraira? Abu Huraira ad-Dawsi al-Sahabi al-Jalil, hafidh al-Sahaba, ikhtulifa fi ismihi, faqila Abdul Rahman ibn Sakhr, waqila ibn Ghanam, waqila ghayr dhalik. Wa dhahaba al-aktharuna ila al-awwali, mata sana 59 min al-Hijra. Donc qui est Abu Huraira? Et on va rapporter la divergence sur son nom et la parole la plus forte sur son nom. Abu Huraira radiallahu anhu arda, c'est Abu Huraira ad-Dawsi, le grand et illustre compagnon, le mémorisateur des compagnons. Pourquoi on dit le mémorisateur des compagnons? Parce qu'il a rapporté là le plus de hadiths, barakallahu fikum, na'am. Et Abdurrahman, donc il y a une divergence sur son nom entre Abdurrahman ibn Sakhr, d'accord, Sakhr avec Sad, hein? Sakhr, et Ibn Ghanam, et d'autres avis encore. Donc d'autres avis ont été émis par les savants concernant son nom. On a retenu ces deux-là, Abdurrahman ibn Sakhr et Ibn Ghanam, et l'avis le plus suivi est le premier, c'est que son nom est Abdurrahman ibn Sakhr. Donc si quelqu'un vous demande Abu Huraira, qui est Abu Huraira, vous dites ça, parce qu'Abu Huraira c'est un nom ou une kunya? C'est une kunya, Abu Huraira, comme moi c'est Abu Abdurrahman, d'autres frères ici, hein? On a Abu Abdurrahman, on a Abu Abdillah, etc. Donc la kunya c'est Abu Huraira, mais quel est son nom? Il y a une divergence là-dessus. Et la ville plus forte, c'est, en tout cas la ville plus suivie, c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Et l'autre c'était Ibn Ghanam. Et il est décédé, radiallahu anhu arda, en l'an 59 de l'Hégire. Alors le vocabulaire tiré de ce hadith, qu'est-ce que nous dit Cheikh Rabi ici au niveau du hadith? On a al-rida wa al-sakhat. Qu'est-ce que veut dire al-rida ou qu'est-ce que veut dire al-sakhat? Sifatan lillahi taliqan bi jalalihi la tashbahan sifat al-makhluqin. Donc qu'est-ce qui est un point très important dans l'aqidah d'Al-Sunnah al-Jama'a vis-à-vis des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ici, c'est qu'est-ce que nous dit le Cheikh ici? Al-rida, l'attribut de al-rida, hein, et l'attribut de al-sakhat. Hein, et on a vu dans le hadith, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'Allah il agrée et il est mécontent de trois choses, d'accord? Donc ces deux attributs-là, les attributs d'Allah, ce sont deux attributs d'Allah comme il lui convient à lui, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et il ne ressemble en rien aux attributs des créatures. Et ici, c'est un point que Cheikh Rabi n'en apporte pas, mais qui fait partie des fondements d'Al-Sunnah al-Jama'a. Le fait d'attribuer n'implique pas le fait de faire ressembler. Et c'est pour ça que beaucoup de sectes se sont égarés, parce qu'ils ont cru ça, que le fait d'attribuer, hein, implique le fait de faire ressembler. Or, ce n'est pas vrai. Alors, on attribue à Allah Azza wa Jalla ce qu'il s'est attribué à lui-même, hein, et ce dont il nous a informé dans le Coran, ou via la parole du prophète, hein, on attribue à Allah Azza wa Jalla ce qu'il s'est attribué à lui-même dans le Coran, ou via le prophète dans la Sunna, et en même temps, hein, on lui fait ressembler en rien à ses créatures, d'accord? Donc ça c'est un point général qui est connu chez les frères dans l'aqd al-jama'a, et c'est important de le rapporter également, en tout cas de le rappeler, et Cheikh va, inshallah, va expliquer plus en détail après, inshallah. Donc deuxième mot de vocabulaire, al-ibada. Qu'est-ce que veut dire al-ibada? Donc lughatan al-khudu'u wa-dhullu ma'al-mahabba. وهي امر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه فكل ما امر الله به امر ايجاب او استحباب فهو عباده وصرفه لغيره شرك. Donc qu'est-ce que veut dire al-ibada? Et on avait dit que c'est important d'étudier quoi les définitions. Petit test rapidement, c'est quoi al-maw'iza par rapport à la hadith dernier? Qui se rapproche la définition de al-maw'iza par cœur en arabe? Al-mu'idha, c'est at-takhwifu. Hein? Billahi. At-tadhkiru billahi wa at-takhwifu min adhabihi wa ghadabihi. Naam. Donc c'est le fait de at-tadhkiru billahi, de rappeler Allah Azza wa Jal et de faire peur concernant son châtiment et sa colère, son courroux, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc c'est important la définition. Ici, voilà directement la définition de l'ibada. Qu'est-ce que l'ibada? Eh bien, dans la linguistique, ce qu'on a toujours dans les définitions, une définition dans la linguistique, c'est-à-dire dans la langue, et ensuite la définition, c'est-à-dire le sens qui est rapporté dans la législation islamique, plus particulièrement, d'accord? Juste demander aux frères et sœurs qui sont sur Paltalk de confirmer s'ils ont bien du son. Donc, qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Que l'ibada, l'adoration, dans la langue arabe, veut dire al-khudu'u wa dhul ma'al mahabba. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'adoration, c'est la soumission et le rabaissement avec amour. Et cette adoration est quelque chose de générique, c'est-à-dire qui est général, qui englobe, qui reprend tout ce que Allah aime et agrée comme parole. Et ça, j'aimerais que vous notiez cette définition-là. C'est que C'est une chose générique qui reprend tout ce qu'Allah aime et agrée comme parole et action, apparente et cachée. Et c'est la définition de qui? Qui a donné cette définition? Et Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, na'am. Dans quel livre? Al-Ubudiyya, na'am. Donc c'est la définition de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah qui a rapporté dans Kitab Al-Ubudiyya. Il a dit, Al-Ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-a'mali wa al-aqwali al-zahira wa al-batina. C'est-à-dire, c'est un nom générique, une chose générique qui reprend tout ce que Allah aime et agrée comme parole et action, apparente et cachée. C'est-à-dire quoi? Apparente et extérieure et intérieure. D'accord? Apparente et cachée. Tout ce qu'Allah a rendu obligatoire ou préférable est une adoration. Et le fait de le vouer à autre qu'Allah est une association, c'est un shirk. D'accord? Et justement, on arrive au, point, au mot suivant dans le vocabulaire ici du hadith, c'est « al-shirk ». Qu'est-ce que le shirk? On l'a déjà défini plusieurs fois, ici on le redonne encore une fois. « Al-shirku an yattakhida ou an yuttakhada lillahi niddan fi shi'i min al-ibadat bi an yusraf ou an yasrif al-abdu nawa'an min anwa' al-ibadati li ghayrillah. Fa kullu i'tiqadin ou qawlin ou amalin thabata annahu ma'murun bih min al-shari' fa sarfuhu lillahi wahdahu. Ça, c'est des définitions très très importantes qui sont des bases de notre religion que tout musulman, toute musulmane se doivent de connaître. Et si, alhamdoulilah, notre habitude ici, les frères qui sont dans la mosquée et peut-être les sœurs qui sont derrière, ou les, en tout cas qui sont sur Paltol, qui connaissent notre système, c'est que j'impose d'écrire, que vous écriviez et que vous mémorisiez. Donc je rappelle ça pour les gens qui sont sur Internet, je leur conseille vivement d'écrire et de noter et d'étudier, inchallah. Sinon, ils vont ressortir du cours comme si on n'avait rien à dire. Vous le voyez souvent, quand on est devant nos familles, quand on est devant des amis, quand on est devant même des gens qui sont sur des voies, qui transgressent la voie d'Ahl Sunnah al-Jama'a, quand vous êtes devant lui et que vous n'avez pas de livre, c'est ce qui reste de ce que vous avez étudié, avec lesquels vous pouvez discuter, avec lesquels vous pouvez faire da'wah. Hein? C'est sûrement retrouvé dans des situations où on aimerait dire des choses et on ne sait pas le dire. Hein? Et ça, c'est un manque d'ilm, tout simplement. Hein? Un manque de hifd, un manque de compréhension, un manque de adillah. Donc ça, je rappelle toujours pour motiver, hein. C'est pas pour, c'est pour motiver, inchallah, de mémoriser, il n'y a pas de secret. Il faut mémoriser, ça demande un travail. Ça demande un travail. Il faut consacrer un temps de sa journée à la mémorisation, à la révision. Ça, il n'y a pas de secret, il faut passer par là. D'accord? Donc, inchallah, j'espère que cette parole va motiver, inchallah, ni nos frères et nos sœurs, inchallah ta'ala. Donc ici, qu'est-ce que veut dire al-shirk? Al-shirk, c'est, le shirk nous dit ici, c'est de donner à Allah un semblable dans l'adoration en vouant un genre d'adoration à autre qu'Allah. Toute croyance ou parole ou action dont il a été établi que le législateur l'a ordonné, le fait de l'avouer à Allah seul est la foi, la sincérité. Et le fait de l'avouer à autre qu'Allah est une association, c'est un shirk, na'am. D'accord? Je dois la répéter. Donc on a dit, le shirk c'est quoi? L'association, c'est donner à Allah un semblable. An yuttakhada lillahi niddan, comme il a dit le shirk ici. Dans l'adoration, en vouant un genre d'adoration à autre qu'Allah. Il suffit, attention, il suffit de vouer un seul de ces genres d'adoration à autre qu'Allah pour que ce soit une association. Hein? D'accord? Ça, je suppose que c'est clair. Hein? Donc toute croyance ou parole ou action dont il a été établi que le législateur l'a ordonné, d'accord, eh bien le fait de le vouer à Allah seul est la foi et la sincérité, c'est ça le tawhid. Et le fait de l'avouer à autre qu'Allah, c'est ça le shirk, l'association. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Il dit ensuite, le cheikh ici, il a parlé dans le hadith de « ta'tasimu bihablillah ». Qu'est-ce que « al-i'tisam bihablillah » ? Et ça doit vous rappeler des titres de nombreux livres. « Al-i'tisam » de Shatibi. Et donc, de Sahih al-Bukhari, il y a un chapitre sur « al-i'tisam » que Cheikh Al-Obelin d'ailleurs a expliqué. Très belle explication qui se retrouve sur Internet. « Al-i'tisam », mot très important. « Al-i'tisam bihablillah ». Qu'est-ce qu'il veut dire « al-i'tisam bihablillah » ? C'est, on va lire d'abord en arabe, inshallah. Est-ce que j'ai lu en arabe le shirk ou pas? Je l'ai lu ou pas? Non, ok. Donc, « Al-i'tisam billah, bihablillah, huwa at-tamassuk bima ja'a bihi Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kitaban wa sunnatan. Donc qu'est-ce que al-i'tisam bihablillah? Eh bien c'est très simple, c'est le fait de se cramponner, l'i'tisam, le fait de se cramponner à ce quoi est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le livre et la sunna, le Coran wa sunna. Ensuite, il a parlé dans le hadith, et je vous avais dit que j'avais traduit ça dans le sens que le cheikh avait donné, mais si on veut traduire de manière plus littérale, on a dit « al-qil wal-qal ». C'est une des choses qu'Allah n'agrée pas pour nous, hein, de nous, et qu'il est mécontent si on l'a fait. C'est quoi? C'est « al-qil wal-qal ». Cheikh, qu'est-ce qu'il dit sur « al-qil wal-qal » C'est-à-dire, il a dit, il a été dit « al-khawdu fil-batili wa fima la ya'ni ». Qu'est-ce que « al-qil wal-qal » Le fait de débattre dans le faux et dans ce qui n'importe pas. Hein? Le fait de débattre dans le faux et dans ce qui n'importe pas. Non, le fait de se cramper, le fait de débattre dans le faux et de ce qui n'importe pas. Si tu veux dire important, c'est la même chose. Ce qui n'est pas important ou ce qui n'importe pas. D'accord ? Ensuite, le hadith dit wa katrat su'al. Qu'est-ce que veut dire katrat su'al? Al ikthar min su'al an-nas wa fard ma lam yaqa' min al-masa'il wal mashakil. Qu'est-ce que ça veut dire? Le fait de poser de nombreuses questions, de multiplier les questions, c'est-à-dire le cheikh dit ici multiplier les demandes aux gens et émettre comme hypothèse ce qui n'est pas encore arrivé comme chose et problème. C'est-à-dire tu demandes des choses à la limite qui te concernent pas. Hein, qui ne sont, sont pas encore arrivés, tu poses des questions déjà là-dessus, tu émets des hypothèses et tu cherches des questions à ces hypothèses-là. D'accord là ça, c'est clair? Et ensuite, le dernier point dans le vocabulaire ici, c'est « ida'at al-mal ». Qu'est-ce que veut dire « ida'at al-mal » hein, le fait de gaspiller l'argent, Cheikh nous dit ici, « hafidhahu Allah ta'ala, qu'Allah le préserve, « ihmaluhu wa tafritu fihi wa ta'riduhu lid-daya'. » C'est-à-dire négliger l'argent ou l'exposer à la perdition. On arrive ensuite au sens général du hadith. Le ma'na al-ijmali du hadith. Ida'at al-mal. Ida'atu avec dad. Ida'atu al-mal. Ida'atu al-mal. Tu le retrouves dans le hadith. Hein? En phonétique, ida'atu al-mal. Donc Cheikh nous dit ici في هذا الحديث إشارات نبوية عظيمة فأولها الحث على التوحيد الخالص والقيام بأعظم حقوق الله وأعظم واجبات الإسلام وهو إفراد الله وحده بالعبادة التي هي الغاية من خلق الجن والإنس قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سورة الذاريات والابتعاد عن الشرك في عبادته فلا يشرك العبد بالله أحدا من خلقه فيجعله ندا لله في دعاء ولا استغاثة ولا ذبح ولا نذر ولا رجاء ولا خوف ولا توكل لأن هذه الأمور حق خاص لله لا يرضى أن يشاركه فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل. Qu'est-ce que veut dire le cheikh ici? Il y a dans ce hadith des orientations prophétiques sublimes. Il attire encore une fois notre attention. La première, c'est l'incitation à un tawhid pur. L'incitation à un tawhid pur. Qui sait me dire dans quel point du hadith on retrouve l'incitation à un tawhid pur? Non, dans ce hadith-ci. Hein? أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا نعم بارك الله فيك. Ce point là du hadith, d'où le cheikh, parce qu'on a dit que le cheikh avait écrit ce livre pour former les étudiants, donc on doit être à même d'extraire ce genre d'ahkam du hadith nous-mêmes. Et le cheikh a dit l'incitation à un tawhid pur, c'est quoi? يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. Donc l'incitation à un tawhid pur est de s'acquitter du plus important des droits d'Allah et de la plus importante obligation de l'islam, et c'est le fait de vouer une adoration exclusive à Allah seul. Regardez l'importance de cette adoration pour laquelle ont été créés les djinns et les hommes. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Surat al-Dhariyat, verset 56. Hein? Et vous voyez bien, le Cheikh a dit, dans le hadith ici, le prophète Sassam a dit يَرْضَ لَكُمْ أَن تَعْبُدُوهُ Et c'est pas tu. Il a dit وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. On a un amr et un nahi. On a un ordre et une interdiction qui vont ensemble. Donc le shirk, justement, c'est pour ça qu'il dit ensuite ici, et le fait de s'éloigner de l'association dans son adoration, c'est-à-dire que le serviteur n'associe personne parmi ses créatures à Allah. Il n'associe parmi les créatures d'Allah à Allah. Et ne le rende pas pareil à Allah. Hein? Semblable à Allah. Ni dans ses invocations, ni dans l'imploration du secours, ce qu'on avait appelé l'istiratha, on avait défini l'istiratha, talabul rawth, hein? Ni dans l'immolation, c'est-à-dire d'une bête, quand on veut immoler une bête, hein? Ni dans les vœux, nadr, hein? Quand on fait un vœu à Allah Azza wa Jal, ni dans l'espérance, ni dans la peur, ni dans le fait de placer sa confiance, à tawakkul, car toutes les choses sont un droit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, na'am. Il n'accepte pas que lui soit associé dans ce droit ni ange rapproché, ni prophète ou ni messager envoyé. Ça, c'est un point qui est clair. Hein? La deuxième. Quelle est la deuxième orientation prophétique? Vous pouvez déjà le dire, rien qu'en regardant le hadith. Na'am, barakallahu fik, de se cramponner au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. D'ailleurs, c'est un verset du Coran. Hein? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Donc ici, qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? La deuxième, c'est, et on la lit ensemble inshallah, الاعتصام بحبل الله وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من كتاب وسنة وما حوته تعاليم الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم من عقائد وعبادات واخلاق ومعاملات. فلا يسع مسلما لا فردا من أفراد المسلمين ولا طائفة من طوائف المسلمين ولا مجتمعا من المجتمعات الإسلامية ولا حاكما ولا محكوما الخروج عن شيء من أصول الإسلام أو فروعه بل يجب على الجميع الإيمان والالتزام الكامل بكل ما جاء به خاتم الأنبياء وسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وتقديمه على كل قول وهدي. Donc qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? Deuxième point, c'est hein, qu'Allah agrée pour nous, et qu'il y a une deuxième orientation ici prophétique, d'accord, dans ce hadith, c'est le fait de se cramponner au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quel est ce câble d'Allah? Donc le cheikh le définit. Et c'est ce avec quoi est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme livre, Coran et Sunna. Et ce que comprennent les enseignements du messager sallallahu alayhi wa sallam comme croyance, comme adoration et comportement, hein, et les transactions également dans la vie de tous les jours. Il n'est pas permis aux musulmans, ni à un groupe parmi les groupes des musulmans, ni à une société parmi les sociétés, hein, société dans le terme social, hein, société, hein, parmi les sociétés islamiques, ni un gouverneur, ni un gouverné, de sortir ne fût-ce que d'une chose des fondements de l'islam et de ce qui découle des fondements. Al-usul al-furu', on avait expliqué ce qu'était l'usul al-furu'. Et de ce qui découle des fondements. Mais de plus, il est obligatoire à tous de croire. Il est obligatoire, wajib alayna. Il est obligatoire à tous de croire et de s'engager complètement dans tout ce quoi est venu avec le sceau des prophètes et le meilleur des envoyés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de le faire passer avant toute parole ou toute voix. Et ça vous doit vous rappeler un hadith qu'on a vu dans les hadiths qui ont précédé. Quel hadith? Est rapporté par qui? Hadith très important. Et c'est un hadith qu'une sœur sur Paltok avait demandé que je répète et que je l'ai répété à la fin du cours. Hein? Naam, vas-y. Naam, trois choses, elle se retrouve, c'est une personne, elle goûtera sa foi. Qui peut le dire en arabe? ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان حديث أنس بن مالك ها on avait vu ça حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم d'accord ها Regardez, on avait déduit de ce hadith-là. C'était quoi? C'était qu'on devait... Hein? Qu'est-ce qu'on avait vu comme, par rapport au suivi? Ça doit vous rappeler, ça, le suivi. Hein? On doit faire passer le prophète avant? Avant toute chose. Et ça, c'est le hadith, en fait, qui est à la base du hadith qu'on a rapporté d'Anas ibn Malik. Qui est quoi? C'est que... Rapporter le hadith, c'est... La yu'minu ahadukum hatta... أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين بارك الله فيكم نعم حديث إليه rapporté par بخاري ومسلم متفق عليه hein? Donc c'est que on a vu que nul d'entre vous ne croira de la croyance parfaite tant que hein, nul d'entre vous ne croira pas tant que je ne serai pas aimé par lui plus que son père, son fils et tous les gens. Pourquoi il a cité le prophète Hassan plus particulièrement? Il a cité tous les gens, mais pourquoi plus particulièrement le père et le fils? On avait dit pourquoi. Ça fait travailler un peu les neurones, hein? Parce qu'il fait partie des gens les plus aimés et que donc notre attachement à eux est plus fort. Et c'est pour montrer donc le degré de l'amour pour le prophète Hassan qu'on doit avoir. Hein? Il suffit de regarder nos actions si on veut, hein? On veut regarder, on veut mesurer notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans nos actions. On va voir directement notre amour où il est. Allah al-musta'an. Donc on continue ici en disant que on fait passer avant toute parole ou toute voix les paroles et les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de renvoyer tout jugement. Et ça on n'a pas lu en arabe, on va le lire d'abord. L'ihtikamu ila ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi kulli sha'nin wa tajrid at-ta'ati. J'avais utilisé ce mot-là, tajrid, vous vous souvenez? Sallallahu alayhi wa sallam, fi saghir umur ad-din wa kabiriha, wa mujanabatu kulli bid'ah, wa ra'yin, wa ma'siyatin, wa bidhalika la bighayrihi yajtami'u shamlul muslimin, wa taqumu wahdatuhum al-manshuda. Ça, ça s'appelle les hizbiyoun, les sectaires. Si seulement ils pouvaient comprendre ça et appliquer cela. Wa yusaddiqu alayhim jami'an annahum mu'tasimun bihablillah. وهذا الواقع هو الذي يريده الله وكلف به الأمة الإسلامية لا الوحدات السياسية مع اختلاف العقائد والمشارب والاتجاهات فإن هذا اللون من التجميع لو تم وهو بعيد ينطبق عليه قول الله تعالى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى سورة الحشر. Et ça, Cheikh ici, il fait, et on va le voir quand je vais traduire inchallah en français, il fait une réfutation directe de la règle des Ikhwan Muslimin, hein, de tous les secteurs qui se retrouvent sous cette règle-là. Donc, qu'est-ce que nous cher nous dit ici? Il dit que c'est le fait de renvoyer tout jugement à ce sur quoi était le messager sallallahu alayhi wa sallam dans toute chose que ce soit. Et lui obéir et le suivre dans les petites choses de la religion et les grandes. Hein? Il n'y a pas de qochour comme disent certains parmi Ahl Bid'a al-Ahwa qui a, hein? Comme des pots. Hein? C'est des choses qui sont secondaires. Wali'adu billah. Comme des épluchures d'orange. A'adu billah. Il y avait un cheikh qui avait réfuté, il avait dit subhanallah, regardez comme même l'exemple qu'ils utilisent, les pas bon, mais les épluchures, elles sont bénéfiques. Et de s'écarter de toute innovation ou opinion ou désobéissance, et c'est avec ceci et rien d'autre que s'unira la parole des musulmans et se fera leur union désirée. Et vous voyez que les sectaires, ils cherchent tout sauf ça. Ils cherchent l'union dans tout sauf dans ça, l'union politique, etc. Hein? Ils se pardonnent sur ce quoi, hein? Ils ne sont pas d'accord, ils se renient sur ce quoi ils sont d'accord, c'est la fameuse règle des Ikhwan Muslimin. Ce n'est pas ça qu'on nous a demandé. Et c'est pas par ça que va arriver l'unité des musulmans. Donc Cheikh dit justement ici, ils seront vraiment à ce moment-là ceux qui se cramponnent au câble de l'eau. C'est-à-dire s'ils s'unissent, si, hein, si quoi, s'ils s'unissent sur, s'ils s'attachent au câble de l'eau, le fait de se cramponner au Coran, à la Sunna, à ce moment-là, s'unira la parole des musulmans et se fera leur union désirée. Ils sont, il n'y a pas de doute qu'elle est désirée, mais il y a une seule voie, une et une seule voie. Pour y arriver. Ils seront vraiment à ce moment-là ceux qui se cramponnent au câble d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est cette réalité qu'Allah veut. Regardez, est-ce qu'on doit chercher ce qu'Allah veut ou ce qu'on trouve bien? Non, ce qu'Allah veut, il n'y a du bien que dans ce qu'Allah veut. Et dont a chargé la communauté de l'islam. Ceci et non pas les unions politiques malgré les divergences de croyances et d'orientation et de penchants. Vous avez trouvé certains frères musulmans, ils vont même s'associer avec les chiites, ils vont s'associer avec les soufis, les qubouriens, ils vont s'associer avec le Mu'tazila, avec le Jahmiya, avec l'Asha'ira, avec Hizb Tahrir, avec n'importe qui. Du moment, quoi, de faire soi-disant l'union. Et regarde, le Cheikh, il va attirer l'attention sur un point très important ici. Il dit, car ce genre d'union, même si elle se fait, et c'est peu probable, hein, entre dans le cadre de la parole d'Allah qui dit, تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى. Tu les crois unis, la traduction approximative, alors que leurs cœurs sont divisés. Parce que quelqu'un va vous dire, non, mais moi je vois, ils sont divisés, et ils sont réunis, ils y arrivent bien, on les voit, mashallah, ils sont... Donc, subhanallah. Donc tu es en train de me dire que ce que on peut arriver à un résultat par autre que ce que Allah veut, c'est ça l'application de ce que tu es en train de dire. Il n'y a qu'une seule voie. Donc surat al-Hajr, pour ceux qui veulent revenir au verset, au tafsir, peut-être pour plus de détails, surat al-Hajr, verset 14. Donc troisième enseignement parmi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-ci, c'est munasahatu wulati amri al-muslimin wa dhalika yatimmu bit-ta'awuni ma'ahum 'ala al-haqq wa ta'atuhum fihi aw wa ta'atihim fihi wa amrihim bih wa tanbihihim wa tadhkirihim birifqin wa lutfin wa 'ilamihim bima ghafalu 'anhu wa lam yuballighhum yablughhum 'afwan min huquq al-muslimin wa tark al-khuruj 'alayhim والصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج عليهم بالسيف إذا ظهر منهم حيف أو سوء العشرة والدعاء لهم بالصلاح وأن لا يغر بالثناء الكاذب عليهم وأن لا يغر بالثناء الكاذب عليهم. Donc Cheikh, ici la troisième chose qu'on peut prendre de ce hadith-ci, le fait de conseiller ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans. Et ça, on trouve beaucoup de sectaires aussi qui ont une erreur par rapport à cela. Le fait de conseiller, attention, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'Allah il agrée pour nous. Donc si on cherche l'agrément d'Allah, on doit s'attacher à appliquer ce point-là. La religion, c'est pas, on ne suit pas les passions, on suit les textes. On suit ce qu'Allah il veut, et on applique ce qu'Allah veut que soit appliqué. Le fait de conseiller ceux qui détiennent le commandement parmi les musulmans. Et ceci se réalise en s'entraidant avec eux dans la vérité et en leur obéissant dans la vérité. Et de leur faire le rappel et de remarques avec douceur, leur faire savoir ce qu'ils ignoraient et ce dont ils n'étaient pas au courant concernant les droits des musulmans. Et par le fait de délaisser la rébellion contre eux, et pour le fait de prier derrière eux, et de faire le djihad avec eux, et de s'acquitter de l'aumône auprès d'eux, de la zakat, hein? Et pour le fait de délaisser la rébellion contre eux avec le sabre, si l'on constate une injustice. Attention, la rébellion se fait même avec la parole, hein. Et les salafs disaient que la base de toute rébellion avec le seif, avec le sabre, c'est une rébellion d'abord avec la parole, hein. Qu'on ne comprenne pas ici, dès que nous on peut les critiquer, mais même si on ne sort pas avec le seif, d'ailleurs les ulama disent que les pires des khawarij, c'est ce qu'on appelle le khawarij al-qa'adiyah. C'est ceux qui incitent, même s'ils ne sortent pas eux-mêmes, c'est ceux qui, hein, incitent à la rébellion, hein, si vous voulez, les idéologues, hein, et même s'ils ne sortent pas eux-mêmes. Attention, c'est les pires. Pourquoi? Parce que ceux qui sortent, ils sont apparents, tandis que les autres, ils sont cachés. Donc, ici, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait de s'acquitter de l'aumône auprès d'eux également, et par le fait de délaisser la rébellion contre eux, avec le sabre et autres, donc même la parole, si l'on constate une injustice de leur part, ou un mauvais comportement, et par le fait de faire des invocations pour eux, et ça fait partie des signes des gens de la sunna, de faire invocation pour les gens de pouvoir et aux gouvernants, pour qu'ils soient vertueux et qu'on ne les dupe pas en faisant des éloges mensongers sur eux. Hein? D'accord? Évidemment, c'est à qui de faire le conseil aux gouvernants? C'est à n'importe qui. Au premier, hein, parmi le commun des mortels, hein, il vient, il fait nasiha, il le fait n'importe comment. Non, ça demande la science, ça revient aux savants. Hein? Ça fait ça aux gens qui sont proches. Et qui peuvent leur faire nasiha discrètement, leur faire le conseil discrètement, avec science, avec sagesse. Regardez qu'est-ce que subhanallah, Allah Rabbil Alamin, il a dit à Moussa et Haroun envers Firaoun. Qu'est-ce qu'il a dit? Firaoun, le pire, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il leur a dit Idhaba, hein? Aywa? Barakallahu fik, dites-lui une parole douce peut-être, hein? Yani peut-être se rappellera-t-il et craindra-t-il. لعله يتذكر أو يخشى فقولا له قولا Layyina, layyin, douceur. Subhanallah. Quatrième enseignement tiré du hadith. النهي عن قيل وقال وهو الخوض في الباطل وإشاعة الفواحش ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث très connu. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بما سمع. وكذلك الإغراق في فرض مسائل لم تقع والإجابات عنها قبل وقوعها. فإن هذا يصرف المسلمين عن دراسة الكتاب والسنة ويشغلهم عن حفظ نصوصهما والتفقه فيهما. Qu'est-ce que nous dit le quatrième point? C'est un point très important qu'on retrouve chez beaucoup de frères et de sœurs. Hein? C'est quoi? C'est le fait de l'interdiction de débattre dans le faux et de diffuser les turpitudes et de répandre des rumeurs et des informations mensongères. Justement ici à l'école, ici avec les enfants, ces dernières semaines, en tout cas cette semaine, on a vu avec eux, dans le chapitre de Doha, on a vu avec eux le fait de faire Doha quand on a subi une injustice. On a rapporté des histoires de certains sahabas qui ont commis une injustice, comme Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'd ibn Zayd, et d'autres encore. Hein? Vous connaissez l'histoire avec Sa'd ibn Abi Waqqas, quand quelqu'un a menti sur lui. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Allahumma in kana, regardez, Wallah, faites attention, ittaqu da'wat al-mazloum. Et je rappelle le hadith qui est le premier hadith qu'on a vu, que hadith d'Abdullah ibn Abbas, lama arsala mu'adan al-yaman faqal, hein? ماذا قال؟ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة إيه وليزي بكم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم وإياك تحذير ميزان غارد وإياك كوا وكرائم أموالهم والتقي ها on a vu le taqwa c'est quoi c'est de mettre entre toi et la chose une wiqaya une protection والتقي كوا دعوة المظلوم pourquoi فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. Parce qu'il n'y a pas de voile entre elle et Allah subhanahu wa ta'ala. Fais attention, ya Abdullah. Fais attention de ne pas être injuste envers les gens et de mentir sur eux. Qu'est-ce qui est passé avec Sa'd ibn Abi Waqqas? Quelqu'un a menti sur lui. Il a dit, Allah, regardez le dua. Allahumma, on avait dit, Cheikh Al-Uthaymin, il avait dit dans le kitab Tawhid, qu'Allahumma, al-mim, ad-dala ala al-jam'a. Al-mim, rien que, regardez la langue arabe. Rien que le mim dans Allahumma, c'est comme si tu regroupais tout ton cœur dans le dua. Parce qu'elle indique le rassemblement, comme, hein, le mim de antum, vous. C'est le rassemblement, hein. Allahumma. Regardez le mime mouchadad, Allahumma. Hein? In kana kadiban. S'il ment, fa'ami basara. Rends-le aveugle. Wa atil umura. Et donne-lui une longue vie. Wa arridhu lil fitan. Et mets-le à l'épreuve des épreuves des fitan. Qu'est-ce qui est arrivé? Les gens, longtemps après, même Sa'd ibn Abi Waqqas, le voyaient à Médine, le voyaient aveugle. Il a vécu une très longue vie, si je me rappelle bien, plus de 100 ans. Et il suivait les petites servantes dans la rue. Hein? Et quand on lui disait, qu'est-ce qui t'a un homme vieux comme toi, aveugle, et tu suis encore les petites jeunes filles, hein? A'udhu billah. Il leur disait, Asabatni da'watu Sa'd. C'est la da'wat Sa'd qui m'a touché. Hein? Et Sa'd ibn Zayd, regarde, Wallah, faites attention. La même chose, une femme a menti sur lui, elle l'a accusé de qu'il a pris sa terre. Il a dit, Allahumma in kanat kadhiba. Fa ami basaraha. Waqtulha fi ardiha. Qu'est-ce qui arrive à cette femme? Hein, si elle ment sur moi, que Allah tu la rends aveugle et qu'elle meure sur sa terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est devenue aveugle, elle marchait la nuit, et elle est tombée dans un puits, elle est morte. Ça, c'est des récits authentiques, hein. C'est dans Sahih Muslim, c'est ce que je vous dis là. Faites attention, ikhwa et akhawat, wallah, faites attention de jamais être injuste, et je sais pourquoi je dis ça. Faites attention de jamais être injuste envers les gens. Hein? Shaitan, hein, faites attention, jamais que ce soit un frère, une sœur, n'importe qui. Même un kafir, on avait dit pourquoi, même un kafir. L'islam, on est juste. Hein? Même un kafir, la da'wa du kafir, elle est acceptée. Et si ça arrivait que vous êtes tombé dans cette erreur, vite corrigez cette erreur-là. Avant que la da'wa. Hein? La dua, elle est acceptée, non? C'est la même chose. La dua d'un kafir, elle est acceptée si on a commis une injustice envers lui. Attention! Hein, faites attention à ça. Là, je le dirai, je ne me répète pas assez, parce que c'est quelque chose quand même qui est trop courant. Hein, et spécifiquement envers les frères qui font da'wah. Qu'on les accuse de choses dont ils sont innocents. Parce que Shaitan justement use des gens pour essayer de combattre du'at ilallah subhanahu wa ta'ala. Donc on revient à ce qu'on disait ici. Le fait, l'interdiction de débattre dans le faux et de diffuser les turpitudes et de répandre des rumeurs et des informations mensongères. Et il suffit à la personne pour mentir de rapporter tout ce qu'elle entend. Regardez le hadith, regardez la sunna comment elle nous éduque, si on l'applique. Regardez la sunna comment elle nous éduque. Akhi, répète pas tout ce que tu entends. Quand je dis akhi, ça implique orti aussi. Ya ikhwati, ya akhawati, oh mes frères et mes sœurs en Allah, azza wa jal, ne répétez pas. Parce que vous entendez quelque chose, vous le répétez. Le prophète sallam, il a dit, il suffit, dans la traduction approximative de sa parole, alayhi sallam, il suffit à la personne pour mentir de rapporter tout ce qu'elle entend. Tu veux être un menteur, rapporte tout ce que tu entends. Et on avait rapporté, parmi les premiers Corans déguisés d'introduction comme défense de Cheikh Rabi'a, vous vous souvenez, on avait rapporté un verset du Coran. Quel verset du Coran? Vous vous souvenez plus? Surat Mujadala. Barakallahu fik. Ya hein? Hujurat, barakallahu fik, afan, zakla. Hujurat. Ya ayyuha alladhina amanu, hein? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu fi qira'ati nutq qira'a yakisbik sikwa fatabayyanu fatathabbatu. Hein? An tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu lama fa'altum nadimin. Surat al-Hujurat. Hein? Vérifie ton information. On avait dit que Shinqiti dans son tafsir, il avait dit que le contraire, c'est que si quelqu'un de confiance, tu prends son information. Mais si c'est pas quelqu'un de confiance, un fasiq, hein, ou un kadhib, hein, arrête-toi avant d'accuser quelqu'un et de regretter cela après. On avait rapporté ça. Faites attention, surtout sur l'ulama, subhanallah. On se dit qu'on aime la sunna, etc. On aime la sunna, on aime l'ulama de la sunna. N'importe qui vient rapporte une question sur un alim, on l'écoute, subhanallah. Où est notre jalousie par rapport aux savants de la sunna, qui sont les héritiers des prophètes? Donc également le fait de s'approfondir dans des hypothèses de choses qui ne sont jamais encore arrivées. Et de répondre à ces hypothèses avant même que ces choses arrivent. Car cela a pour conséquence de détourner les musulmans de l'étude du Coran de la sunna et de leur mémorisation. Même certains à l'époque, certains salafs, ils usaient de dire quand quelqu'un posait une question, on dit est-ce que tu es dans cette situation-là? S'ils disaient non, je demande comme ça, ils disaient va, et quand tu tombes dans cette situation, tu viens poser la question. Quand on pose des questions, c'est parce qu'on a un besoin, on a une faïd à apprendre. On ne pose pas des questions pour poser des questions. Cinquième point, cinquième orientation prophétique dans ce hadith-ci, c'est wa khamisuha. النهي عن كثرة السؤال وهو يشمل سؤال الناس ما في أيديهم من المال وغيره وإنزال حاجته بهم وهذا لا يليق بالمسلم الذي يريد الله له أن يكون عزيزا شريفا. Regardez العزة للإسلام. عمر بن الخطاب ça me rappelle une parole d'Omar ibn al-Khattab. Regardez ça s'écrit avec بما الذهب comme on dit en arabe, avec si vous pouvez avoir de l'encre en or, on écrirait avec de l'encre en or pour écrire ce genre de paroles. نحن قوم عزنا الله بالإسلام فمن ابتغى العزة في غيره أذله الله. Nous sommes un peuple qu'Allah a rendu fier par l'islam. Celui qui cherche la fierté dans l'autre que l'islam, Allah l'humilie. Regardez العزة l'islam, regardez la sunna comme on nous dit, comme elle nous élève. ورفعنا لك ذكرك. فسؤال الناس محرم في الأصل ولا يجوز إلا في حال الضرورة. Donc, Cheikh ici nous donne une cinquième éducation, un cinquième enseignement, une cinquième orientation dans la sunna. C'est quoi? L'interdiction de poser trop de questions. Et ceci englobe le fait de demander aux gens ce qu'ils ont entre leurs mains, comme argent et autres, et de faire subir aux autres son besoin. Et ceci n'est pas digne du musulman, dont Allah veut pour lui qu'il soit respecté et noble. Mais attention, Cheikh, il a donné un qaïd ici, c'est qu'il y a des cas de darura, attention. Le fait de demander aux gens est interdit à la base. Regardez le shur comment ils sont précis quand ils parlent. Il a dit, fil asl, à la base. Walakin. Et ceci n'est permis qu'en cas de nécessité. Wa darura laha ahkam. Hein? Et la darura, la nécessité, elle a ses règles aussi. D'accord? Donc à la base, c'est interdit. Il ne faut pas s'interdire sur la situation de nécessité. D'accord? Mais regardez l'éducation que ça nous donne. Ce n'est pas nécessité, après, tu ne demandes pas. C'est nécessité, tu demandes parce que c'est une darura. Tu te limites à ta darura. Hein? Alaykoum salam. Et regardez, Cheikh nous dit pourquoi. Regardez l'éducation de Cheikh Rabi'a. Comment les gens, ils osent critiquer ce noble savant, hafidhahullah ta'ala. Wallah, yani, nasiha, j'en profite qu'on est sur Paltol, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Paltol qui tajarra'ouna 'ala al-ulama. Ils sont dans un degré très grave envers l'ulama. Je leur rappelle de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et si Cheikh Rabi' est encore vivant, wallah, s'ils peuvent payer un billet d'avion, aller lui embrasser la tête et demander pardon, qu'ils le fassent. Tant qu'il est encore vivant, le Cheikh. Ils ont parlé sur Cheikh Najmi, il est décédé. Ils ont parlé sur Cheikh Al-Albani, il est décédé. Ils ont parlé sur Cheikh Ben Baz, même certains l'ont rendu mécréant, il est décédé. Cheikh Al-Uthaymin, il est décédé. Ils ont parlé sur lui. Et d'autres, Cheikh Mohamed Amal Jami, si vous savez les cas des accusations qu'ils ont sorties sur Mohamed Amal Jami, hein? Il est décédé, rahmatullah alayhi. Et d'autres. L'imam Ahmed, qu'est-ce qu'on lui a fait, l'imam Ahmed? Qu'est-ce qu'il a subi, l'imam Ahmed, pour la sunna? Tous ces gens-là, wallah, ils ne sont combattus que pour la défense de la sunna. Parce qu'ils sont connus que pour la défense de la sunna. Si vous voyez des gens s'attacher, parce que Shaitan les utilise, hein, et croient faire le bien, parce qu'attention, certains ils croient défendre la religion en attaquant Cheikh Rabi'a. Hein, c'est vicieux, hein. Et c'est pour ça que quand on leur fait la siha, ils ne reviennent pas souvent. Parce qu'ils sont fermes sur ce quoi ils sont. Hein? Parce que Cheikh Rabi'a est connu pour sa défense de la sunna. Il fait partie des lions de la sunna à notre époque. Et tous les ulama le reconnaissent, cette préséance-là et cette noblesse-là. Hein? Wallah, je leur recommande de craindre Allah Azza wa Jal, de demander pardon à Allah Azza wa Jal avant qu'il soit trop tard. Hein? Et s'ils sont morts, de faire l'istighfar pour eux. Et dans les majalis où ils parlaient sur eux, de dire du bien de eux. Hein? Et s'ils sont encore vivants, de leur demander pardon. Alhamdulillah, certains frères l'ont fait, alhamdulillah. J'en connais certains. Ils l'ont fait. Alhamdulillah. Donc, Cheikh ici nous dit quoi? Wassu'al, ofisu'al makhlouq, bila darura, thalat mafasid. Cheikh nous dit pourquoi? Il nous explique ici que le fait de demander à une créature sans nécessité, eh bien dans cela, il y a quoi? Trois points négatifs. Hein? Trois mafasid. Quels sont ces trois points-là? Le fait de dépendre, on va lire d'abord en arabe, mafsadatu l'iftiqar ila ghayrillah wa yanou'u min ash-shirk. Le fait de dépendre d'autres qu'Allah, et c'est un genre d'association. A'adoubillah, l'autre jour, j'ai passé sur Paltalk, et j'entendais un qui est très connu sur Paltalk, j'ai même pas envie de citer son nom pour pas lui faire de la publicité. Hein, il disait que Cheikh Fouzen était un mécréant, un associateur. A'adoubillah. Parce qu'il méconnaissait le tawhid et il ne croyait pas en ta route. Comment tu peux ouvrir ta bouche et dire une parole comme ça? Comment un musulman, on ne sait pas en vérité, je suppose que c'est un musulman, on ne connaît pas cette personne-là, il est sur Paltol, qui dit ce qu'il veut, et il est ce qu'il est. Comment tu peux ouvrir ta bouche, hein, et dire une parole aussi grave que celle-là sur Cheikh Al-Fawzan, que c'est un associateur? Cheikh Al-Fawzan, aqidat al-tawhid. يعنت مستفيد شرح كتاب التوحيد الجامع لعبادة الله وحده شرح الواسطية شرح الحموية شرح النونية شرح يعني tout ce que vous pouvez imaginer dans le tawhid, Cheikh Al-Fawzan l'a expliqué. شرح الأصول ثلاثة شرح الأصول ستة شرح القواعد الأربع شرح كشف الشبهات. Hein? Et tu vas ouvrir ta bouche et dire une parole aussi grave que cela. Et il continuait, wallah, on lui a dit taqillah, ça lui faisait rien du tout. Il ne s'est même pas arrêté une seconde pour se mettre en question. ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقيان يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قاعد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فاتنسيون يا دي زانج كي نوت سكو تو إكري. Trois choses ici, donc, première chose, c'est le fait de dépendre d'autres qu'Allah, et c'est un genre d'association. L'iftiqar, le bon mot en arabe, c'est l'iftiqar. Hein? Deuxième point, mafsadat idha al-makhlouq al-mas'oul, wa yannou'a min dhulmi al-khalq. C'est la nuisance causée à la créature par le fait de lui demander, et c'est un genre d'injustice envers la créature. Donc, le fait de la nuisance de demander à quelqu'un. Encore, on a dit encore une fois, sans nécessité. Hein? Troisième point, l'humiliation envers autre qu'Allah. Hein? Je ne dirais pas l'humiliation, c'est plus le fait de s'humilier, de l'humilité, le fait de... Al-dhul, envers autre qu'Allah, et c'est une injustice envers l'esprit, envers le nafs. Je rappelle encore d'apprendre l'arabe, parce que vous voyez que les mots français sont faibles pour... Hein, on reste toujours limité à la compréhension du traducteur qui reste un être humain. Et rappelle la parole d'Omar ibn Khattab, radhiallahu anhu arda. Alaykum bil arabiyya fa innaha min dinikum. Hein? Alaykum. Hein? Apprenez l'arabe. Pourquoi? Parce qu'elle fait partie de votre religion. Ceci concerne donc ici. J'ai cité la troisième. Hein? Ceci concerne chez Hadithi. Hada idha kana al-mas'ul hayyan qadiran. Idha kana al-mas'ul hayyan qadiran. Ala tahqiq al-matloub minha. Fa kayfa bi su'al al-mayyit wal-gha'ib. Ma la yaqdiru alayhi illallah. Inna dhalika huwa 'aynu ash-shirk billah. Ceci concerne le cas donc où celui à qui serait faite la demande, à celui à qui serait faite la demande, eh bien, qu'il est vivant et capable de répondre à la demande. Que dire alors de demander à un mort ou à un absent ce dont seul Allah est capable? Eh bien, c'est cela même l'association à Allah Azza wa Jal. D'accord? Regardez ce qu'on dit ici. Le nahi, il est sur quoi? Sur le fait de demander aux gens en dehors d'une situation de nécessité. Mais quand on parle des gens, c'est des gens vivants et capables de donner. Si tu demandes à quelqu'un de l'argent, par exemple, qui est devant toi, vivant, qui t'entend, qui est capable de donner de l'argent. Hein? Qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui demandent aux morts? Hein? D'accord? Aux morts? Ou à l'absent? Dans des choses qu'il n'y a que Allah qui est capable de faire. Ça, c'est l'association, comme dit Shirsé. Même, c'est cela même, Ayn Shirk. Hein? Et attention, ici on parle toujours en cas de nécessité, qu'il n'y ait pas des frères dans le besoin qui se disent non, le frère a dit. Hein? Non, si on est en nécessité, c'est un hukm différent. D'accord? Les ulama disent c'est une règle dans l'usul. Le jugement il tourne avec sa raison en absence ou en présence. Si la raison elle est là, le jugement elle est là. Si la raison n'est plus là, le jugement il change. D'accord? Donc ici on continue en disant que. Cette interdiction, كما يشمل هذا النهي كثرة الأسئلة العلمية خصوصا التي يقصد منها التعنت وإثارة النزاع والجدال بالباطل وكذلك الإغراق في فرض المسائل التي لم تقع وطلب الإجابة عنها. Ceci concerne le cas, donc ici cette interdiction englobe également le fait de poser trop de questions dans la science, des questions donc de science علمية, surtout celles pour lesquelles où on cherche donc l'obstination et l'incitation à la divergence et au débat dans le faux et de s'approfondir dans l'émission d'hypothèses sur des points qui ne sont jamais encore arrivés. Vous avez des genres de frères comme ça qui s'attachent à toujours de poser des questions. Hein? Donc ça, c'est interdit. Et de demander des réponses à ces hypothèses. D'accord? Mais ça rentre pas dans le fait de poser une question pour la religion. Vous voyez, on regroupe les textes, hein? D'accord? Je pense que ce qu'a dit le cheikh ici est très clair. Sixième enseignement, orientation du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith-là, النهي عن إضاعة المال فإن المال نعمة من الله وفيه عون على طاعة الله والجهاد في سبيله ولا مساعدة المستحقين من المسلمين الفقراء والأقارب وغيرهم فيجب أن يشكر المسلم ربه على هذه النعمة ويحافظ عليها من الضياع والإهمال ولا ينفق منه إلا في الطرق التي شرعها الله أو أباحها وليس له أن ينفق منه في سبيل الشيطان والمعاصي كما ليس له أن يهمل هذه النعمة ويعرضها للضياع. Très bonne nasiha ici du Cheikh, dont on a tous besoin encore également, c'est le sixième point ici, l'interdiction de gaspiller l'argent. Car l'argent est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala et aide à l'obéissance à Allah et au combat dans la voie d'Allah et à aider ceux qui le méritent parmi les musulmans pauvres et les proches et les autres parmi les musulmans. Il incombe aux musulmans de remercier son Seigneur de ce bienfait et de le préserver de la perte et de la négligence et qu'il ne soit dépensé que dans les voies qu'Allah a légiféré ou autorisé. Et il ne lui est pas permis de le dépenser dans la voie de Satan, Shaitan et des péchés. Donc regardez quand vous faites un péché, regardez tout ce que ça implique. Vous avez vu? Même le fait que de faire te pécher, si tu utilises de l'argent pour faire des péchés, regarde, tu rentres dans une autre interdiction ici que quoi? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit de dépenser de l'argent dans des choses mauvaises ou inutiles, d'accord? Maintenant, on rentre dans la synthèse du hadith. Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Et avec ça, on a fini le hadith. Ma yustafadu min al-hadith. Awalan, wujub al-qiyami bi'ibadati Allahi ala wajh al-matloub. L'obligation de s'acquitter de l'adoration d'Allah de la manière comment? Légiférée. Est-ce qu'on adore Allah comme on veut? Hein? Répondez, est-ce que oui ou non? Non, on ne répond pas. On n'adore pas Allah Azza wa Jal. Professeur, qu'est-ce qu'il a dit? Sallu kama turidun. Non, il a dit sallu kama ra'aytumuni usalli. Il a dit le prophète, priez comme vous voulez. Non, il a dit priez comme vous m'avez vu prier. Khudu anni manasikakum. Prenez de moi vos rites. Naam. On a cité de nombreux dalils avec, j'avais renvoyé faire le sharh de Arba'a Nawawiyya de من ذكر الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نزلت رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دوزيام بوان تيغي وجوب مناصحة ولاة أمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر وصل خوارج par rapport à ce hadith là par rapport à cette مسألة là ici hein? Ces nasiha, qu'est-ce qu'ils font? Critiquer le hukam sur le minbar et d'appeler à la rébellion contre eux et de se rebeller contre eux. Et ils appellent ça jihad. Allah musta'an. L'obligation de s'éloigner de toutes les sortes d'associations. J'en ai sauté un. Je répète le deuxième donc. Wujub l'ibti'ad an kulli asnaf al-shirk saghirihi wa kabirihi. C'est d'abord le shirk et après le fait de qui vient d'ailleurs qu'en cinquième point. Donc je répète le premier point, on répète du début. Wujub al-qiyam bi'ibadati Allah 'ala al-wajh al-matloub, l'obligation de s'acquitter de l'adoration d'Allah de manière légiférée, ça on a dit, d'accord? Maintenant deuxième point, wujub al-ibti'ad 'an kulli asnaf al-shirk saghirihi wa kabirihi. Quand on cite le khawarij, subhanallah, on perd tout le Allah musta'an. L'obligation de s'éloigner de toutes les sortes d'associations, la petite et la grande. Regardez le mal qu'ils amènent aux musulmans ces gens-là, subhanallah. Donc l'obligation de s'éloigner de toutes sortes d'associations, la petite et la grande. Quand vous avez fini, vous me le dites, comme ça je peux citer le troisième, c'est bon? Troisième point, donc al-fa'idatu thalitha, wujub al-i'tisami bihablillahi wa huwa al-islam. Alladhi ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam Muhammad alayhi salatu wassalam kitaban wa sunnatan fi kulli sha'n. C'est l'obligation de se cramponner au câble d'Allah, qui est quoi? Qui est l'islam avec lequel est venu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit dans le Coran ou la Sunna, dans toutes les choses, même dans la croyance. Et vous vous souvenez que Cheikh Fall Ismail, qu'on avait pris au Sul Sunna l'imam Ahmed, il avait cité une règle très très très très importante dans l'aqida par rapport au Coran et la Sunna. Qui sait me rapporter cette règle-là? Qui était là à la Dora de l'été passé, dans la Dora de Cheikh Fall Ismail? Qu'est-ce qu'il a dit? question, la sunna taqririya ou tafsiriya? T'es sûr? Tu fassir le Coran ou tu qarrir ou la tuqarrir? Taqririya bila shak, sans aucun doute. Et on avait dit quoi, vous vous souvenez de ça, hein? C'est-à-dire que la sunna, c'est une législation en tant que telle. C'est-à-dire que, pourquoi elle avait cité ça le shir? Parce qu'il parlait d'Asma Sifat. Il y a des choses dans la aqidah d'Al-Sunna al-Jama'a qui ne sont attribués, par exemple des attributs qui sont attribués à Allah, qui sont que dans la sunna. Et le Mubtadi'a, ils ne le prennent pas parce qu'ils disent que c'est que dans la sunna. Vous vous souvenez de ça? Vous connaissez cette règle, hein? Donc, s'il y a un attribut qui est attribué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Allah, ça devient un attribut pour nous d'Allah Azza wa Jal. Même s'il n'est pas dans le Coran. Eux justement font cette différence. Ils disent que la sunna ça juste explique le Coran, mais ça n'a pas de valeur de législation en tant que telle dans les croyances. C'est un point important dans la... Regardez qu'est-ce que le cheikh dit ici, hein? Il dit, hein, l'obligation de se cramponner au câble d'Allah qui est l'islam avec lequel est venu le messager, que ce soit dans le Coran ou la sunna, dans toutes les choses. Qu'est-ce que ça comprend toutes les choses? Ça comprend la croyance ou pas? Non, bilachek. Quatrième point, tahrim al-tafarruqi wa wujub wahdat al-muslimin ala al-haq. L'interdiction de se diviser et l'obligation pour les musulmans de s'unir sur la vérité. Donc bien, il n'y a aucun doute que le fait de se réunir, ça fait partie de, au soul de l'islam. Et l'interdiction de se diviser également. Mais est-ce qu'on se réunit sur n'importe quoi? On se réunit sur la règle de Hassan al-Banna, on se réunit sur ce qu'on est d'accord, on se pardonne sur ce qu'on n'est pas d'accord. On se réunit sur... telle ou telle bid'a, ou sur telle ou telle idéologie politique, on se réunit sur le Coran et la Sunna. Qu'est-ce que vous dites? Sur le Coran et la Sunna, il n'y a aucun doute là-dessus. Est-ce que c'est la seule voie ou c'est pas la seule voie légiférée? J'ai bien dit légiférée. Parce qu'il y a d'autres voies, mais elles ne sont pas légiférées. Hein? Est-ce qu'elles sont légiférées? C'est la seule voie légiférée, oui ou non? Hein? Non. Cinquième point, c'est celui que j'avais cité un peu précipitamment avant. وجوب مناصحة ولاة الأمر المسلمين والتعاون معهم على الحق والبر. L'obligation de faire le conseil aux gouverneurs musulmans et de s'entraider avec eux dans la vérité et le bien. D'ailleurs, un hadith très connu du prophète صلى الله عليه وسلم qui dit sur le fait de faire nasiha, comment fait nasiha hukam, فليأخذ بيده ولا يبديه علانية. Que tu le prennes par la main et que tu fasses pas la nasiha en public devant tout le monde. C'est pas nasiha, c'est une fadiha, ça. Hein? Le mot est très proche en arabe, mais c'est tout à fait différent. Nasiha et fadiha, c'est différent. Hein? D'accord? Tu l'exposes. Tu fais pas une nasiha, tu donnes pas le conseil, tu l'exposes. Il y a une manière de faire nasiha au hukam. Et c'est pas n'importe qui le fait. D'accord? Sixième point, sixième faïda. Tahrimu al-qil wal-qal. On avait dit c'était quoi le qil wal-qal? L'interdiction de débattre dans le faux, littéralement l'interdiction de il a été dit, il a dit. Hein, vous avez compris c'était quoi? Hein? Septième point, tahrim su'al al-makhluqin illa. Vous avez vu illa en arabe ici, illa fi ma yaqdiruna alayhi fi hali ad-darura wal afdal at-tawakkul was-sabr. Là ça résume comment se comporter dans la situation de besoin ou tout simplement dans la situation de demander quelque chose à quelqu'un. Qu'est-ce que nous dit le cheikh ici? L'interdiction de demander aux créatures, sauf ce dont ils sont capables et ce en cas de nécessité. C'est clair, hein? Et le mieux, c'est de patienter et de placer sa confiance en Allah. Regardez le shirk, il te facilite tout. Il te dit comment te comporter. Interdiction de quoi? De demander aux créatures, sauf, il y a ce qu'on appelle un istithna, sauf, il y a une exception. Sauf quoi? Ce dont ils sont capables, quand? En cas de nécessité. Et le mieux, c'est quoi? C'est de patienter et de placer sa confiance en Allah. Voilà, là, tu as c'est quoi, hein? Une manière de te comporter. Huitième et dernier point, l'interdiction, tahrimu ida'atil mal, l'interdiction de gaspiller de l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on... Je vous laisse le choix, parce que je sais que le frère ici qui s'occupe de la mosquée, machallah, il a une très très longue journée aujourd'hui. Je pense qu'il a commencé très très tôt. Ça tient à vous, parce qu'on a tardé. Machallah, alhamdoulilah. Il me fait signe de loin, tu continues, tu continues. Inch'Allah. Donc, tu es sûr, hein? Hein? Inch'Allah, je vous laisse le choix. Est-ce que vous voulez qu'on continue sur le 12e hadith ou vous voulez qu'on en reste là? Ça dépend si on fait des... Non, il est pas spécialement beaucoup plus long. Qui veut continuer et qui veut s'arrêter? Il y a du monde sur Paltol, quand même. C'est mieux qu'on continue, non? Bah, en tout cas, si les frères ici décident de continuer, Inch'Allah, ceux qui, pour lesquels c'est un peu long, hein, ils peuvent, Inch'Allah, je leur donne la permission de se lever, Inch'Allah, hein, et de rentrer, Inch'Allah. Hein? Quatrième point, quel point? D'accord, je répète. Tahrimu at-tafarruqi wujub wahdati al-muslimin ala al-haq. L'interdiction de se diviser et l'obligation d'unir les musulmans, mais sur la vérité. D'accord? Ça va? Tu veux que je répète encore une fois? Oui? Donc c'est l'interdiction de se diviser et en même temps l'obligation de quoi? D'unir les musulmans sur la vérité. Douzième hadith, et là on a dépassé donc la moitié du livre. Et normalement, Inch'Allah, normalement, il se peut. Inch'Allah, normalement, je ne serai pas disponible ni dimanche prochain. Donc, comme ça, vous savez déjà que le dash de dimanche prochain est annulé. Le dimanche d'après, normalement, ça devrait être OK. Parce que je voyage la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, c'est juste pour les gens qui ne sont pas le talk, qui ne s'étonnent pas de ne pas voir la room ouverte la semaine prochaine, Inch'Allah. Et Inch'Allah, bonne nouvelle, c'est que Inch'Allah, on va essayer d'avoir un deuxième cours en français dans la semaine. Et suite à la demande de beaucoup de frères, Inch'Allah, je pense qu'on va se consacrer à une série de cours au fiqh, à la jurisprudence. Toutes les comme ils disent, issues en anglais. Hein? Tout ce qui concerne la purification, la salah. Il se peut très fort que je fasse le livre de Sharh Shurut Salah de Sheikh Al-Muhsin Al-Abbad, hein? Qui est un très bon livre, qui est très résumé et qui comprend beaucoup, beaucoup de choses importantes qu'on a besoin dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va encore, c'est encore entre parenthèses, mais Inch'Allah, on a reçu l'accord pour faire le deuxième cours, Inch'Allah. Il faut juste trouver un créneau horaire, Inch'Allah. Il se peut très fort que ce soit le samedi à la même heure, Inch'Allah. J'ai encore discuté avec le frère responsable ici. Et Inch'Allah, normalement, il se peut donc, Ihtimal Rajah, que ce soit donc un dars dans le fiqh. Je pense que je vois les têtes qui acquiescent, Inch'Allah. Je pense que c'est un bon sujet qui intéresse beaucoup de monde et dont on a besoin dans la vie de tous les jours. Surtout, on voit quand on voit beaucoup de wiswas qui touchent beaucoup de frères et de sœurs. Hein? Et le wiswas, il part avec la science. Quand on sait ce qu'on fait, il n'y a pas de porte ouverte au wiswas. Donc ici, le 12e hadith, le hadith 12, jihad al-munharifin an hadi al-anbiya. Donc, le fait de quoi? De lutter contre ceux qui dévient de la voie des prophètes, alayhim salatu wassalam. Donc le hadith, c'est une riwaya d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu ardah, أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. الحديث أخرجه مسلم وأحمد. Donc quel est le hadith ici? Et c'est une narration du grand compagnon, du noble compagnon, radiallahu anhu ardah, Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prophète qu'Allah a envoyé avant moi à une communauté sans qu'il n'y ait dans cette communauté des auxiliaires, les hawariyoun. On va expliquer ce que veut dire le hawariyoun. Et des compagnons qui s'attachent à sa voix et prennent son ordre, pour exemple. Leur ont succédé ensuite des gens de mal. Khulouf, on va voir expliquer pourquoi le mot khulouf a une notion péjorative en langue arabe. Donc, leur ont succédé ensuite des gens de mal qui disent ce qu'ils ne font pas et font ce que on ne leur a pas demandé de faire. Celui qui les combat avec sa main, c'est un croyant. Et celui qui les combat avec sa langue, c'est un croyant. Et celui qui les combat avec son cœur, c'est un croyant. Et il ne reste après cela, yani, hein, donc plus une graine de moutarde de foi après cela. Hein, c'est une traduction très littérale pour Habbat Khardam min Iman. Le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih, chapitre de la foi, Kitab al-Iman, et dans Musnad de l'imam Ahmed. Qui est Abdullah ibn Mas'ud? Qui est le rapporteur du hadith? Rawi al-hadith, Abdullah ibn Mas'ud, taqaddama tarjamatuhu fi shar al-hadith raqam 5. Donc, le hadith 5. Alors, évidemment, vous attendez directement la question, qui s'est me rapporté la biographie? Donc, Cheikh dit ici, en fait, il ne fait pas sa biographie. Pourquoi? Parce qu'on l'a déjà faite lors du 5e hadith. Alors, pour les gens qui sont un peu sur Paltalk et pour un peu... Hein, testez pour voir si vous vous rappelez ou pas, ou bien si c'est rangé aux oubliettes. Si vous savez me rapporter la biographie, ou en tout cas quelques points de la biographie, et si on ne trouve pas, même en vous aidant de vos notes, Inch'Allah, sur Abdullah ibn Mas'ud. Qui est Abdullah ibn Mas'ud? Quand est-ce qu'il est né? Quand est-ce qu'il est mort? Quel est son nom? Quelle est sa kunya? Quelle est sa. Hein? Qui sait me rapporter quelques points? J'en ai déjà quelques-uns qui me viennent à la tête, mais je vous laisse parler un peu. Et voyez, ouais, lancez-vous. Annie, que les gens qui sont sur Paltol, qui peuvent prendre une feuille, Inch'Allah, et essayer, en tout cas pour ceux qui ont suivi le cours, ou ceux qui ont quelques notions sur Abdullah ibn Mas'ud, c'est un exercice que je ne peux pas corriger tout à fait, mais Inch'Allah, ils écouteront la bonne réponse. Donc, c'est un bon exercice pour eux de prendre une feuille, Inch'Allah, et d'essayer de noter les points importants lorsque je pose des questions. D'accord? Donc, donc, d'abord, de mémoire, sans regarder les notes, d'abord, et puis si vous ne trouvez pas, en vous aidant des notes. Donc, qui est Abdullah ibn Mas'ud? C'est un compagnon dont on entend toujours parler le nom. En tant que salafi, il serait, je dis bien, il serait honteux de notre part, j'utilise le conditionnel pour être poli et gentil, il serait honteux de notre part qu'on ne sache pas rapporter sa biographie, en tout cas quelques points de sa biographie. Parce qu'on prétend aimer ces gens-là, or on ne les connaît pas bien. Naam? Il fait partie des Abadillah, Jazakallahu Khairan, c'est-à-dire des nombreux Abdullah parmi les Sahaba. On avait cité quelques autres, qui? Abdullah ibn Omar. Hein? Et subhanallah, j'écoutais un dars de, Cheikh Omar Foulata, dans un des livres de la Sunna, si je me souviens bien, ou dans Sharh Tahawiyya, je ne me souviens plus, et il rapportait justement l'Abadillah. Hein? Qui est Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, hein, c'est ce qu'on appelle l'Abadillah, les Abdullah si vous voulez. Donc Abdullah ibn Mas'ud fait partie d'Abadillah, na'am. Quoi d'autre? Kunyatuhu Abu Abdirrahman. Na'am. Vous pouvez vous aider des notes maintenant, parce que... Hein? Hein? Tu penses ou tu es sûr? Tu confirmes? Regarde les notes, vas-y, dis-nous un peu quelques points. Qu'est-ce que veut dire min as-sabiq al-awwalin, parmi les premiers en islam, d'accord? Min kibar ulama sahaba. Il fait partie des grands savants. Non seulement c'est un sahabi, mais il fait partie des grands savants des sahabas. Regardez la position de ce sahabi là. Naam. Ah, ça c'est un point très important. Ammarahu. Et je me souviens très bien que vous avez expliqué c'est quoi le verbe ammara yu'ammiru. Qu'est-ce que veut dire ammara? C'est le fait de placer comme amir. Hein? D'accord? Ne pas confondre avec amara, qui est ordonné. Amara, c'est le fait, vous avez entendu la shidda, amara, c'est le fait de placer comme amir. Amarahu Omar, qui est Omar? Blkhattab, hein? Qui est le deuxième calife. Donc regardez, déjà avec cette indication-là, on situe déjà un peu dans le temps, dans l'histoire. Quand est-ce que Abdul Mas'ud a été amir de la région de Koufa, qui est en Irak, naam, le Koufa, eh bien, c'était à l'époque de Omar ibn Khattab, c'est lui qui l'a placé comme amir. Ensuite, il est mort à Médine. Important de savoir où il est mort. Et quel est le fadl de mourir à Médine? Ça, c'est donc une... Regardez, ça vient en tête directement. Hein, vous liez les textes entre eux. Il est mort à Médine. Ah, mais je connais un hadith sur le fait d'essayer de mourir à Médine et que c'est un bienfait de mourir à Médine. Donc, Abdullah ibn Mas'ud, il rentre dans ce de bienfait. Quoi d'autre? En l'an 92, hein, 92 de l'Hégire. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va essayer de s'en rappeler pour les prochaines fois, Inch'Allah. Donc, le Cheikh ici, nous continuons en disant que le vocabulaire utilisé dans le hadith, quel est le vocabulaire utilisé dans le hadith? Mufradat al-hadith. Al-hawariyoun. Vous avez sûrement entendu déjà Ce mot-là, où est-ce qu'on le retrouve ce mot-là? Dans le Coran. Qui s'est cité un verset avec le Hawariyoun? Dans quelle sourate? Sourate, hein? As-Saf. Barakallahu fik. Qui s'est cité un autre verset? Alhamdulillah, on a déjà une éducation, hein? Donc, alhamdulillah, on sait qu'il est dans le Coran maintenant. Et regardez maintenant, on a dans la Sunna. Donc, vous savez maintenant que le Hawariyoun, il est cité dans le Coran, il est cité dans la Sunna. Qu'est-ce que le Hawariyoun? C'est un mot qu'on entend dans le Coran, dans la Sunna, donc on veut savoir ce que c'est. Qu'est-ce que le Hawariyoun? Cheikh nous dit ici, « Hum khulasa ul anbiya wa asfiya'uhum. Wa qila al-ansar. Wa qila al-mujahidun. » Ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Le Cheikh, il nous dit que, qu'est-ce qu'un Hawari? Le Hawariyoun. Hein? J'avais dit, quelle est la différence entre Hawariyoun et Hawariyin? J'avais expliqué cette règle-là dans la grammaire arabe. Hawariyin, c'est quand il est mazrour ou mansoub. Hein? Ou mansoub. Également, parce que le jam' mudakkar salim, yunsabu bilia niabatan ani al-fatha. D'accord? Ça, vous retrouvez dans Bab al-Azrumiya, c'est les signes du nawasib qui remplace Al-Fatha et l'insime de Mahfoudat Al-Asma qui remplace Al-Kasra. Donc Al-Fatha et Al-Kasra, c'est l'âme Al-Asliya et il y a des alamas qu'on appelle Faraïya. D'accord? On rentre un peu dans les détails de la grammaire, mais c'est intéressant, surtout pour les frères qui ont déjà vu, sans déjà avoir vu la règle avec moi dans la langue arabe. D'accord? Donc ici, le Hawariyoun, il est marfou' dans quoi? On sait avec le waou, d'accord? Donc Al-Hawariyoun, qui sont les Hawariyoun? Ce sont les compagnons intimes et sincères des prophètes. Il y a un autre avis qui dit, on a dit aussi qu'ils sont les auxiliaires. Donc je pense que dans le Coran, la traduction que vous allez trouver, c'est les auxiliaires. Il y a un troisième avis qui dit les mujahidoun. Takhloufou, ay tahdouthou. Tahduthu, ce qui veut dire arriver. Al-khuloufu, qu'est-ce que veut dire al-khuloufu? Hein? Comme il a dit, c'est khuloufun. Al-khuloufu, jam'u khalf, bi iskan al-lam. Qu'est-ce que veut dire iskan al-lam en langue arabe? Iskan al-lam? Sukun sur le lam, tout simplement. Iskan al-lam. Je vous le dis comme ça quand vous retrouvez ça dans d'autres livres, Inch'Allah. En fait, le shir, il est en train de vous mettre les voyelles. D'accord? Et là, on revient à la notion péjorative que je vous dis dans la langue arabe de al-khalf ou al-khulouf, pluriel khulouf. Donc, khalfun, khulufun. D'accord? C'est le pluriel de khalfun et c'est le successeur en mal. Donc, celui qui a des successeurs qui le succèdent en mal, on les appelle khulufun. Le sens général du hadith, al-ma'na al-ijmali. هذا الحديث فيه أخبار عن أحوال الأنبياء وأحوال أممهم وأن أصحابهم وحواريهم الذين استضاءوا بنور نبوتهم وشاهدوا نزول الوحي عليهم يظلون أوفياء مخلصين لربهم ومتمسكين بهدي أنبيائهم في الظاهر والباطن تطابق أقوالهم أفعالهم ثم تخلفهم أجيال يحيد بهم الشيطان على مناهج الأنبياء يدعون بأقوالهم أنهم على نهج الأنبياء ويخترعون من البدع والمناهج الباطلة ويرتكبون من المنكرات والمعاصي ما يجعلهم أبعد الناس عن أديان أنبيائهم ويعيشون في تناقضات بين أقوالهم وأعمالهم. Je crois que la porte est toujours ouverte ici, hein? Il fait un peu froid. Donc le sens général du hadith, ce hadith nous informe sur les états des prophètes et de leur communauté et que leurs compagnons qui se sont illuminés à la lumière de la prophétie et ont été les témoins de la révélation aux prophètes, et restent sincères et fidèles à leur Seigneur, c'est-à-dire même après les prophètes, et attachés à la voix de leurs prophètes, que ce soit extérieurement ou et intérieurement, d'accord? Dans leur et leurs paroles sont conformes à leurs actions. Donc ils vont ensuite leur succéder des générations, hein, que Satan va détourner des voix des prophètes. Et ils vont prétendre en parole qu'ils sont sur la voie des prophètes. Et ils vont inventer des innovations. On revient toujours aux innovations. Hein. et des fausses voies. Ils vont commettre tellement de choses blâmables et de péchés que ça va les faire devenir les gens les plus éloignés de la religion des prophètes. Et ils vont vivre dans des contradictions entre leurs paroles et leurs actions. D'accord ? Donc voilà la différence entre Al-Hawariyoun et Al-Khulouf. Al-Hawariyoun, c'est, si vous voulez, les successeurs en bien, sincères, qui restent attachés aux enseignements de leurs prophètes. Et le khulouf, c'est qui ? C'est ceux qui leur succèdent en mal. ويبقى في كل أمة علماء مخلصون أوفياء لدينهم يجاهدون يناضلون عن تعاليم أنبيائهم كل على حسب طاقته ومنزلته من الإيمان فمجاهد بلسانه ومجاهد بيده ومجاهد بقلبه وذلك أضعف الإيمان وليس وراءه شيء من الإيمان. Donc Cheikh ici nous dit, continuant en disant que il ne va cesser d'avoir dans chaque communauté des savants sincères, fidèles à leur religion, qui vont combattre et vont prendre la défense des enseignements de leur prophète, alayhi salatu wassalam. Chacun selon ses capacités et son degré dans la foi. Certains vont combattre avec la main, d'autres vont le faire avec la langue, d'autres encore avec le cœur. Et ceci est le plus faible degré dans la foi, c'est-à-dire le fait de combattre avec le cœur. Et il n'y a plus de foi après cela. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وقع فيها ما وقع في الأمم السابقة وخلفت بعد القرون المفضلة خلوف تفرقت بهم السبل وشتتتهم الأهواء وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذوا القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. Cheikh continue en disant un point très important ici. وبقي في هذه الأمة الطائفة المنصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة لا زالت وستبقى كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تدعو إلى الحق والخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدحض البدع والشبهات المضللة بالحجج والبراهين وتجاهد الباطل حسب استطاعتها باليد واللسان والقلب فعلى المؤمن الثبات على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عقيدته وعبادته وأخلاقه وعليه الأخذ بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الاقتداء بأمره ومجانبة الأهواء والمعاصي والبدع ثم الدعوة إلى الحق وبذل ما يستطيعه في نصرة دينه. Ça c'est des paroles en ordre de Cheikh Rabi ici à noter. C'est quoi? C'est que certains, donc on avait dit qu'ils vont combattre avec la main, d'autres avec la langue, d'autres avec la foi, avec le cœur, et c'est donc le plus faible degré dans la foi. Et donc le Cheikh continue en disant, il est arrivé au sein de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ce qui est arrivé aux communautés précédentes. Et ont succédé aux premières générations qui ont une préséance sur les autres, ce qu'on appelle al-Qurun al-Mufaddala, d'accord, des générations de mâles que des voies différentes vont diviser. Et on le voit de nos jours. Et que les passions vont disperser. Et la parole du messager d'Allah est véridique, hein, là-dessus, hein, sur eux, lorsqu'il dit, vous allez certes suivre les voies de ceux qui étaient avant vous, en les suivant pas à pas. Littéralement, ici dans le hadith, comme se suivent les plumes du volant d'une flèche. Hein? À tel point que même s'ils rentrent dans le giron, on avait dit, hein, Euromastix, mais vous savez que c'était un lézard, hein, très courant dans les déserts arabes, vous y entrerez. Hein? On avait cité ce hadith-là, vous vous souvenez? Il n'y a pas très longtemps, je pense, le dernier cours. Hein? Les gens qui vont suivre dans le mal, ils vont tellement suivre, hein, les voies de ceux qui étaient avant vous, hein, en les suivant pas à pas. Hein? Et vous voyez ici comment le professeur a décrit à tel point ils vont les suivre. Hein? Non. Ça, c'est donc un signe de la prophétie du prophète. On avait dit ça la dernière fois aussi. Et il y a un autre hadith qui dit, donc c'est le deuxième hadith qu'il cite pour montrer également, ma communauté va se diviser en 73 groupes, 73 groupes, tous en enfer sauf un. Et on le voit, on voit les groupes. Hein? Tous en enfer sauf un. Et est resté dans cette communauté le groupe victorieux. C'est-à-dire celui qui est sauvé, le groupe sauvé. Hein? Et vous avez beaucoup de sectaires qui appellent les salafis le groupe sauvé pour se moquer d'eux. Regardez quelle ignorance. Ça nous est déjà arrivé, hein. Ouais, vous, le groupe sauvé. Subhanallah, t'es en train de dire, quelque part, que je rentre dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que je fais partie du groupe qui est sauvé de l'enfer. Où tu es, toi, hier? Mais eux, ils se disent ça pour se moquer. Regarde. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il y a 673 groupes en enfer, sauf un, et que c'est le groupe sauvé de l'enfer. C'est pour ça qu'on l'appelle le groupe sauvé. Le firqa al-najiya, al-ta'if al-mansoura, le groupe victorieux. Et toi, tu m'appelles comme ça en te moquant de moi. Subhanallah. Donc ici, Cheikh dit, et est resté dans cette communauté le groupe victorieux, dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé lorsqu'il a dit, il n'y aura de cesse une partie de ma communauté apparente sur la vérité. Et le verbe arabe, hein, ou plutôt la forme arabe, la yazalu, hein, la yazalu, tufidul istimrar en arabe on dit. C'est-à-dire qu'elle a la valeur de continuité. La yazalu. Oh, ici dans l'arabe, la tazalu. Pourquoi? Parce que le sujet c'est ta'ifatun, qui est féminin. La tazalu ta'ifatun. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Rabi ne dit pas ça ici, mais c'est un cheikh qui rapporte ça, fait dans la langue arabe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est Cheikh Rabi dans un autre livre, qui dit ta'ifa ou il a dit ta'ifat? Dans le hadith ici, c'est ta'ifa ou bien ta'ifat? Est-ce que le singulier ou le pluriel? Une, pas plusieurs, et akhi. Soit parmi celles-là, la tazalu ta'ifat, yani wahida, ala al-haqqi. Hein? Vous voyez, même la langue arabe, c'est important. On avait vu ça dans le hadith la dernière fois. Alaykum sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdiyin. Addu alay. Ha, pas alayhima. La sunnah des quatre khalifes bien guidés, c'est la même que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'après Damir, le pronom personnel, il revient à une sunnah. Alay, ha. Accrochez, si vous voulez en français, accrochez-vous à elle sans S. Hein? À elle seule, ni une. Donc la langue arabe, elle est importante. Ici, donc, Cheikh dit, il y aura de cesse une partie de la communauté, de ma communauté apparente sur la vérité, ne leur nuira pas ceux qui, littéralement, qui les lâchent, qui les trahissent, ni ceux qui vont à leur encontre, ceux qui les contredisent, et ce, jusqu'à ce que la dernière heure arrive. Hein? Et Cheikh Al-Anjari, quand il était venu ici, le Cheikh du Koweït, hafidahullah, il avait expliqué qu'est-ce que veut dire le mukhaddiloun. Hein? La yadarhum man khadalahum, dans ce hadith-là. Le mukhaddiloun, qui est le mukhaddil? Cheikh Al-Islam Utsaimi, il a dit, hein, que c'est ceux qui s'assoient quand leurs frères vont combattre Al-Bida' al-Ahwa. Ce hadith est rapporté par Muslim, chapitre de l'Imara. Et je rapporte, pourquoi je rapporte ce tahrij-là? Comme vous voyez dans le hachia en bas, regardez bien en bas, akhraj au muslim kitab l'imara, min hadith thawban, wal mughira ibn shu'ba, wa jabir ibn samura, wa jabir ibn abdillah, wa mu'awiyata, wa uqba ibn amir, wa huwa hadith mutawatirun, rawahu 16 min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le sheikh ici nous dit quoi? Point important ici dans le tahrij, je ne crois pas qu'il y ait un secteur qui veut dire, mais le hadith il est daif. Non, regarde ce que le sheikh dit. Akhraj au muslim kitab l'imara. D'une narration de Thawban ou Al-Mughira, 2, Ibn Shu'bah, ou Jabir Ibn Samura, 3, ou Jabir Ibn Abdillah, 4, ou Mu'awiyah, 5, ou Uqba Ibn Amir, 6. Ou Hadith Mutawatir. Les ulama, ils ont divergé dans le sens de Mutawatir, mais retenez tout simplement, hein, un avis facile à vous pour retenir, que c'est un hadith quand les chaînes de transmission sont multiples. D'accord? Qui a été rapporté par 16 parmi les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc que quelqu'un ne vienne pas vous dire « Non, mais le hadith il est daïf et je ne sais pas quoi. Hein? » Non, et retenez ça, qu'il a été porté par 16 compagnons. D'accord? Donc, Cheikh continue en disant, et c'est un hadith qu'on appelle, donc on a dit ça, ce groupe donc restera et n'aura de cesse à informer le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme il en a informé le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler à la vérité et au bien et d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et de réfuter les innovations et les ambiguïtés qui égarent en basant ces réfutations sur des preuves et en argumentant. Peut-être expliquer au frère, peut-être qu'il attend salat l'Aïcha, qu'on a déjà prié. Peut-être que le frère Mourad, il y a un frère, je crois, qui a, depuis tout à l'heure attend en fait qu'on a fait le jam'a, et qu'à partir d'aujourd'hui, on va regrouper les salats l'Aïcha avec le Maghreb tous les jours, Inch'Allah. Parce que le frère a été très patient depuis tout à l'heure, il est derrière, mais il ne comprend pas le français en fait, donc. Donc je répète ici, ce groupe restera et n'aura de cesse comme on a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'appeler à la vérité et au bien, et d'ordonner le convenable, et d'interdire le blâmable, et de réfuter les innovations et les ambiguïtés qui égarent, en basant ces réfutations sur quoi? On avait dit encore une fois l'ilm, on revient aux quatre cours qu'on a fait en guise d'introduction sur l'ilm, hein? Ces réfutations sur des preuves, et en argumentant, et de combattre le faux en fonction de sa capacité, avec la main, la langue et le cœur. Il incombe donc aux croyants de rester ferme sur ce quoi est venu avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans sa croyance, son adoration et son comportement, et de s'attacher à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre son exemple, et de s'écarter des passions et des péchés ainsi que des innovations, puis d'appeler à la vérité et de fournir tout ce qu'il peut comme effort pour rendre sa religion victorieuse. Qu'Allah fasse, qu'on fasse partie de ces gens-là. Donc ici, ma yustafadu min al-hadith, en guise de synthèse toujours, quels sont les bienfaits tirés de ce hadith? Il y a pas mal de points, mashallah, il y en a 9. Donc premier point, al-fa'idatu al-oula fihi an al-anbiya qad ja'u bi shara'i'a wa sunan li hidayati an-nas. C'est-à-dire que les prophètes sont venus, alayhi salatu wassalam, sont venus avec des législations et des sunan pour guider les gens. Alors, question ici, pour guider les gens, hidayat tawfiq ou hidayat irshad wa bayan? Naam, Allah c'est lui qui guide les cœurs. Quand on dit la guidance des prophètes, c'est la guidance de la mise en évidence, de l'orientation. D'accord? Deuxième point, wa fihi fadilatu wa maziyatu ashabi al-anbiya bittiba'ihim sunani anbiya'ihim. La préséance et le privilège des compagnons des prophètes, alayhi salatu wassalam, pour leur suivi des voies de leurs prophètes, alayhi salatu wassalam. Donc si cette préscience, ce privilège, elle s'acquiert par leur suivi, subhanallah. Regardez le suivi qu'ils ont eu des prophètes. Et par cela, ils ont eu ce degré-là d'être, hein, d'avoir cette maziyya en arabe, d'avoir cette fadila. Al-fa'idatu thalitha wa fihi ذم من خالف منهجهم بأنهم خلوف وهم الذين يخلفون آباءهم بشر وما كانوا أشرارا إلا بمخالفة الأنبياء. Point très important ici qui retrace bien le sens du mot khulouf en arabe. Il y a dans ce hadith un blâme envers ceux qui contredisent la voix des prophètes. Et ils sont désignés pour cela par le mot khulouf. D'accord ? Qui désigne ceux qui suivent leurs aïeux en mal. Et ils ne sont devenus mauvais que par leur transgression envers les prophètes, c'est-à-dire de la voix de leurs prophètes. D'accord ? Quatrième point, وَفِيهِ ذَمُّ مَنْ تُخَالِفُ أَقْوَالُهُ أَفْعَالَهُ. Qu'Allah nous préserve d'être parmi ces gens-là, et Allah c'est un bon rappel pour nous tous. كَبُرَ مَقَةً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَالُونَ. Surat al-Saf. Qu'est-ce que le Cheikh nous dit ici ? Il y a un blâme envers celui dont les paroles contredisent les actions. Traduction approximative de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Sourate Saf, le rang, verset 3. Encore une fois, ça peut être intéressant de revoir le tafsir de Shinqiti, le tafsir de... Hein, je pense que celui de Shinqiti a été publié de Saf. Ouais, il a été publié, je pense que je l'ai aussi. Donc de Cheikh Al-Uthaymeen par exemple, de Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Ibn Jarir, Tafsir Al-Baghawi, etc. D'accord ? C'est bien d'aller revenir, c'est un talib ilm, c'est comme ça, il ne se suffit pas de ce qu'il a pendant le cours, il va chercher ailleurs et hein, il revient aux sources. Cinquième point, Al-Fa'idatul Khamisa. Et au fait, avant que j'oublie, j'ai décidé, Inch'Allah, de faire un examen à la fin du cours, Inch'Allah. Selon la méthode de Cheikh Al-Haytham, Hafidahullah, qui est un cheikh qui donne cours à la mosquée de Médine, à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il a vraiment, ce cheikh-là, subhanallah, est très doué pour l'enseignement, il a une vraiment très bonne pédagogie. Comment il s'organise en fait? Il a tellement nombreux élèves qu'il y a des gens qui le font le salam d'Indonésie, de Libye, du Maroc, d'Algérie, tous les pays. Et pourtant, quand vous voyez devant lui, il n'y a que des petits groupes d'élèves. En fait, justement, sa particularité, c'est qu'il prend que des petits groupes d'élèves. Nous avons les 4-5 frères, on se met d'accord, on va faire Usul Talata, d'accord ? On va chez le cheikh, il impose la mémorisation. Donc tu mémorises et il fait, lit le charh sur toi et tu n'écris pas. Tu n'écris pas, tu écoutes. Et à la fin, il te demande quels sont les fawa'id tirés du charh. Et donc, les frères, ils vont se rappeler. Toi, tu te rappelles exactement, Inch'Allah, ce qu'a dit le shir. Et en fonction de ce que toi, tu dis, de ce que les autres disent, tu écris à ce moment-là. Et à la fin du livre, il fait un examen. Si tu passes, tu passes à Qa'al Arba'a. Sinon, tu ne passes pas. Je pense qu'on va essayer d'appliquer ça, Inch'Allah. On va faire un examen. Inch'Allah, ce sera que sur des notions qu'on a vues sur le livre, Inch'Allah. Ça peut être une bonne occasion pour se retrouver entre vous, entre frères, Inch'Allah, pour revoir le livre ensemble, Inch'Allah. Hein? Je vois je vois des images, des visages grimaçants. Ne vous inquiétez pas, le but c'est quoi? C'est quand on fait un test de ce type-là, c'est pas de mettre des gens devant le mur, hein, c'est au pied du mur, c'est justement de faire travailler la matière, et quelque part de voir aussi où sont les lacunes, et justement de vous imposer de travailler la matière, et de voir s'il n'y a pas des lacunes dans ce travail de la matière-là, Inch'Allah. Hein? Ben on réussit l'examen, on verra après le livre. Franchement, j'hésite beaucoup. Je verrai, Inch'Allah. Cinquième point, وفيه ذم البدع وما هي إلا فعل ما لا يأمر به الله ما لم يأمر ما لا يأمر به الله على ألسنة أنبيائه. Donc le cinquième point ici, qui est un point aussi important, une critique des innovations, car qu'est-ce que c'est qu'une innovation? Regardez bien, elle n'est que le fait de faire ce que Allah n'a pas demandé de faire par l'intermédiaire de ses prophètes. Donc tu fais ce que Allah n'a pas demandé de faire via l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de tous ses prophètes. Pourquoi tu le fais? Donc c'est ça l'innovation dans la religion. On avait expliqué ça dans un cours précédent. Ihdathun, le bid'a c'est Ihdathu amrin fi din. On avait dit quoi? C'est quoi? C'est le fait d'inventer et d'innover quelque chose dans la religion. D'accord? Sixième point, الفائدة السادسة وفيه مدح التابعين للأنبياء الثابتين على سنتهم والمتمسكين بالاقتداء بهم. Sixième point, un éloge envers les successeurs des prophètes, عليهم الصلاة والسلام, qui restent fermes sur leur voie et s'attachent à prendre exemple sur eux. Évidemment, pour le test, sur la présence obligatoire. Inch'Allah, pour les frères qui n'ont peut-être pas pu tout noter, réunissez-vous entre vous. Je suis sûr que si vous réunissez toutes les notes, Inch'Allah, vous aurez tout. Et au pire des cas, ben, vous avez le livre en arabe. Vous avez des frères qui comprennent mieux l'arabe que d'autres. Et je suis toujours là pour vous aider, Inch'Allah, pour les faoïdes que vous auriez ratés. Inch'Allah, vous inquiétez pas, ça va demander un petit peu de travail. Je vous laisserai un peu de temps, Inch'Allah. Mais je pense que ça peut être vraiment très, très bénéfique. Parce que je ne vois pas trop l'intérêt de passer un autre livre si on n'a pas retenu les enseignements du premier. Hein? Parce que, comme on avait dit dès le début, c'est quoi le but de tout ça? C'est de faire des livres. Oh, on a fait 10 livres, mashallah. Non, c'est pas ça le but. C'est de faire les livres et de bien les comprendre et de les appliquer. Surtout dans le hadith, on avait rapporté le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? C'est qui était quoi? Naddara Allah imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Regardez la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Abdelazak al-Badr, comme on avait dit, a fait nasiha, a donné le conseil d'essayer de rentrer dans cette doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah a fait naddara. Nadara, c'est quoi un nadara? Nadara, ayja'alahu za nadaratin, comme dit Cheikh Mouqbil. C'est-à-dire qu'Allah le rend beau. Et Cheikh Abdelazak Badr dit beau d'une beauté intérieure et extérieure. Pourquoi? Parce qu'il entend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la comprend, il la rapporte comme il l'a entendue. D'accord? On a vu aussi la fa'ida de l'ilm et la zakat de l'ilm. C'est quoi? C'est son application. Hein? Par exemple, l'imam Ahmed, il a dit, j'ai écrit un hadith sans l'avoir appliqué au moins une fois. Vous avez vu les milliers et milliers de hadiths que l'imam Ahmed a rapporté, alayhi rahmatullah. C'est important, nous on apprend pour appliquer, c'est pas pour faire une hajja contre nous, hein, pour dresser les preuves contre nous-mêmes. Donc on apprend pour appliquer, Inch'Allah. Donc évidemment, si on n'apprend pas et on ne sait pas ce qu'on a appris, quel est l'intérêt d'apprendre autre chose encore? D'accord? Donc je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus, Inch'Allah. Hein? Septième point, الفائدة السابعة وفيه مدح هؤلاء الأتباع بصبرهم وجهادهم لمن خالف منهج الأنبياء. Il y a dans ce septième point, c'est quoi? Un éloge envers ses successeurs pour leur patience et leur combat contre ceux qui contredisent la voie des prophètes. Alayhi salatu wa salam. Donc ils ont un éloge, pourquoi? Pour leur patience et leur combat. Par exemple, une question du test, ça pourrait être bien dans le hadith d'Abd al-Mun Mas'ud, hein, celui-ci par exemple, mais citez-moi autant de fawa'id, ou bien toutes les fawa'id, ou bien aussi quel cheikh l'a rapporté dans quel livre, quel est le sens du mot khulouf linguistique et qu'est-ce que ça nous apporte comme faïda dans le hadith ici par rapport à ce hadith ici? Quelle est la différence entre al-hawari et al-hawariyun et le khulouf? Question facile, non? Cette question est simple pour travailler un peu la matière. D'accord? Huitième faïda, et avant-dernière faïda. وفيه بيان مراتب الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه على حسب طاقة أصناف المجاهدين فمن يستطيع الجهاد وإزالة المنكر بيده فعليه أن يقوم بهذا الواجب ومن عجز عن هذه المرتبة واستطاع أن يقول كلمة الحق فعليه أن يقولها ومن عجز عن ذلك فعليه أن يقوم بما يستطيعه وهو الجهاد بالقلب وإنكار الباطل بقلبه فإن فاته هذا فليس بمؤمن وقد مات قلبه والعياذ بالله. Donc ici, il y a une mise en évidence des différents degrés de la lutte et d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et que c'est en fonction de la capacité des différentes personnes engagées dans cette lutte. Celui qui est capable, donc si vous voulez, c'est le premier degré, d'interdire le blâmable avec sa main, il lui incombe de s'acquitter de cette obligation. Celui qui n'est pas capable d'arriver à ce degré, ben, on vient au degré en dessous, c'est quoi? C'est de... Il lui incombe de le... de le dire, de dire la vérité. D'accord? Donc celui qui n'est pas capable avec la main et pas capable d'arriver à ce degré, il est capable de dire la vérité, et bien il lui incombe de la dire. D'accord? Et celui qui n'est pas capable, il lui incombe de s'acquitter de ce dont il est capable, et c'est de combattre avec son cœur. Tout le monde est capable de ça. Et de réprouver le faux avec son cœur. Et s'il abandonne ceci, c'est-à-dire le fait de réprouver avec le cœur, il n'est pas croyant et son cœur est mort. Wal'iyadu billah. Neuvième et dernier point tiré du hadith, le fait que, donc ici, Cheikh nous dit ici, وَفِيهِ أَنَّ الْإِيمَانَ يَتَفَاوَتُ وَيَزِيدُ وَيَنْقُسُ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانَ. C'est une faïda ici dans l'Iman aussi, c'est que le fait que la foi diffère, elle monte et elle descend. Et il n'y a même plus, ni après cela, une graine de moutarde de foi. Après cela, comme il a dit le cheikh ici, dans le hadith, وَلَيْسَ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ. D'accord? Et avec cela, on a fini le 12e hadith. Et je pense qu'il est un peu tard. On va se limiter à ça aujourd'hui, Inch'Allah. J'avais préparé les autres hadiths, mais je pense que comme on avait dit à chaque fois, c'est de faire peu, mais bien, plutôt que de faire beaucoup. Et je pense que, Mashallah, on a déjà bien travaillé. Là, on a fait, je pense, presque 2 heures, ou en tout cas une heure et demie. Non? Je répète le 8e point. Donc, une mise en évidence des différents degrés. Si tu veux, je te le résume, d'accord? Différents degrés de la lutte. Alors, tu notes, tu mets en, et d'ordonner le convenable et interdire le blâmable. Non, mais ça, c'est juste le titre, en fait. Donc, tu as différents degrés de quoi? De la lutte et d'interdire le blâmable et d'ordonner le convenable. C'est-à-dire le fait de faire l'amr bil ma'ruf et n'al munkar. Dans ça, tu as 3 degrés. D'accord? Les gens interdisent, c'est-à-dire que les gens ils luttent et interdisent le blâmable, ils organisent le convenable de 3 manières différentes, si tu veux, ou à 3 degrés différents. Premier degré, c'est quoi? Celui qui le fait avec sa main. Parce qu'il a la capacité de le faire avec sa main. Et c'est pour qui, c'est entre parenthèses, comme Cheikh Fawzan dit, c'est pour les gens d'autorité. Et ceux à qui on a délégué cela, parmi les gens d'autorité, d'accord? Deuxième degré, c'est quoi? Si tu n'arrives pas avec la main et que tu n'as pas cette capacité-là et que tu n'arrives pas à ce degré-là, c'est quoi? C'est avec la langue. C'est-à-dire que tu dises la parole de vérité si tu es capable de dire la parole de vérité. Si tu n'arrives pas à ce degré-là, le troisième degré est le moindre. Et après cela, il n'y a plus de foi. C'est quoi? C'est de le faire avec le cœur, de réprouver avec le cœur le faux. D'accord? Et de combattre avec ton cœur. D'accord? C'est clair maintenant, ça va? Donc les 3 degrés, et il a dit le shir après, et il n'est pas croyant après ce degré-là, et son cœur est mort. C'est clair pour tout le monde. Inch'Allah. Wa barakallahu fikum, wa ahsanallahu ilaykum, wa subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et je remercie aussi les gens qui sont sur Paltok pour leur patience et leur ijtihad, mashallah, parce que c'est une heure très tardive, je pense qu'il est minuit 20 en Europe actuellement. Donc, minuit, non, hayakum.